Si, je voulais une des bandes dessinées érotiques les plus surréelles de Guido Crepax, celle dont il est le total auteur, parce que il a fait de belles, bellissimes adaptations des classiques de l'érotisme dont je vous parlerai peut-être un autre jour. Là, on est avec un de ces personnages féminins qui remplit presque un volume entier, bien fourni, qui est Valentina, si je ne me trompe pas. J'espère pas faire un lapsus. Donc, Valentina, j'ai ouvert au milieu du livre, au hasard, et je trouve une scène. Ce qui serait de rigueur, donc je disais, ça serait de lire à vous qui ne voyez pas la bande dessinée, de vous lire les textes des bulles. Mais je me sens plus inspiré par tous ces côtés fétichistes des corps féminins. À la beauté exacerbée de la pure ligne blanc et noir j'ai deux pages ouvertes. Je vais passer de l'une à l'autre alternativement. Je pense un peu à vous, la finalité, bien sûr. Suggestive du dessin doit être rendue quelque part. Donc, je m'adresse plutôt à quelqu'un qui ne voit pas, soit parce qu'il est aveugle, soit parce que la lumière est éteinte, ou il y en a très peu, ou parce qu'il n'est pas devant cette bande dessinée. Mais un couple, c'est mieux. Mettons que vous êtes ensemble. Donc, ça peut être une femme, deux femmes, deux hommes, un homme, ou une femme et un homme. Je parle plutôt de vous, c'est moi qui vois pas ce dont je parle. En revanche, j'ai bien devant cette. Pin-up complètement sophistiqué, complètement raffiné, qui tient quand même des éléments de la chasse un peu safari, les casques coloniales, les ceintures pleines de projectiles. Les fusils à télescope. Elle regarde comment on fouette, je pense, Valentina, qui est toujours très maltraitée au long de la bande. Et donc, bon, là, je vous lis. Elle donne l'ordre de l'étriller bien, parce qu'elle est sage humain. Elle demande qu'on la ferait là, celle-là, l'idée là. Elle tient son fusil bien droit. Et dans l'autre scène, Valentina marche avec beaucoup de peine à quatre pattes. Et il y a plein de femmes. D'un côté, on a la chasseresse blanche. Très très typée, très très mince et en même temps d'une violence, cette violence aux yeux bleus, blonde, même s'il n'y a pas de la couleur, on arrive à la deviner. Et puis les femmes qui sont dans l'arrière-plan, c'est l'arrivée des femmes noires. qui porte bien sûr rien sur elle, sauf des menottes dans chaque cheville. Elles sont des instruments de musique, elles dansent, elles jouent, elles sont. On peut pas dire si elles sont amusées ou désespérées dans leur rythme. Ensuite, la chasseresse, tout en prenant Valentina comme cheval, la belle Valentina aux cheveux noirs, un peu le type Louise Brooks qui plaisait à Crépax. C'était la mode, le revival du cinéma muet, Loulou de Pabst. Puis vous savez, les négresses, donc, pour utiliser le mot français que j'ai entendu quelque part, qui marchent à quatre pattes comme des chiens qui guettent une proie. Et dans la deuxième page, il y a un grand arbre auquel grimpent les femmes noires en émettant des surlements de hyènes. Et un homme noir, mince, beau, très noir, aux cheveux plutôt ronds, bien poussés, est abattu et tombe en criant sous les tirs de la blonde rasée, parce qu'en fait elle n'a pas de cheveux, elle a un casque. Elle donne le corps mourant de l'homme noir comme nourriture pour les femmes qui miment les carogniers, les charognées, mais avec un dandinement, une espèce de sensualité qui suggère plutôt. Suggère plutôt. Et là, je pense que vous avez la main sur les genoux si vous êtes dans un lieu ouvert où vous pouvez caresser votre partenaire. Parce que je devrais raconter quelque chose. Pendant que vous faites ça, que je vais enregistrer par la suite dans un instant, laissons passer un ange.